Bruno Guillon, Caroline Diamant. Dernier jour du grand quiz de Noël. Soyez les bienvenus sur RTL, sur la première radio de France. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno, bonjour la France. Mais quel plaisir d'avoir passé cette semaine à vos côtés. Bon, cela dit, je ne me chauffe pas trop vite, je vais attendre la fin de cette émission, on en reparle dans une heure et demie. Cette émission qui aura déjà un mérite, et là vous allez me dire lequel. Lequel? Eh bien, le mérite de rappeler à Caroline Diamant qui m'accompagne que depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, on ne dit plus Euro Disney, les vacances les plus magiques. On dit Disneyland Paris, puisque quand on a attaqué l'émission lundi, elle a failli nous faire un dérapage sur Euro Disney hors antenne en me disant on offre des séjours Euro Disney, oui, Disneyland Paris. Faisons ça. Disneyland Paris qui nous accueille et qui vous accueille encore une nouvelle fois ce matin. Oui, seriez-vous plutôt princesse ou pirate? Pirate, moi. Choisissez votre camp, moi plutôt princesse. Choisissez votre camp, en tout cas, lors du festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland Paris. Pirate, moi. Lors de cette célébration interactive, profitez d'un incroyable concentré de royauté, d'aventures et de personnages Disney. RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchantées ou aventure de pirate. Ah, pirate, moi. Épée ou couronne? Épée, moi. Boulet de canon ou robe de bal? Pirate, moi. Vivez une expérience féerique à Disneyland Paris, mais partez sans Bruno. Ben si, s'il y a un boulet, je peux venir. Vraiment. Séjour de rêve, deux jours avec les entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Première candidate de la matinée, on part à Nantes. Bonjour Alexandra. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandra, Caroline. Bienvenue bonjour sur Caroline. RTL. Merci. Alexandra, bah déjà bonnes vacances. Merci. Les vacances beaucoup. De Noël pour vous qui êtes professeur au collège. Vous êtes professeur dans quelle matière? En physique chimie, Bruno. Ah. Ah ouais, c'est ce que j'aurais pu enseigner. Si j'avais pris des cours de physique chimie. Physique chimie, dans une classe de 3e, c'est ça Alexandra? Alors, principalement dans une classe de 3e, où je suis professeur principal, mais de la 6e à la 3e. D'accord. Mais jusque-là, moi, ça allait. Sur la physique-chimie, ça allait. Moi, c'est j'adorais la physique. C'est la chimie que... Non. Pas, Caroline. Vous savez, je vais vous aider. Moi, je veux bien être votre Jamy de C'est pas sorcier. D'ailleurs, pour prendre la parole juste avant, je vais faire... Voilà. Vous voulez parler du tableau des éléments, genre voilà. ZN, oui. Le zinc, oui. Voilà, le sodium, oui. Etc. Exactement. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Alexandra, d'aucuns diront que pendant les fêtes de Noël, c'est quand même un peu chiant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un peu de musique qui vous ramène en vacances. Calvin Harris avec Summer, il paraît que c'est votre chanson préférée quand vous allez en Espagne. Exactement, moi ça me rappelle la mer, et puis l'Espagne c'est vraiment les vacances. Donc Calvin Harris, ça me fait du bien l'hiver quand j'ai besoin de revoir le soleil. D'accord, sinon j'avais ça. Hola, ¿qué tal? Es posible para mí. Bah, ça c'est votre côté macho. Bien sûr. Qui ressort. Il a toujours sa grande cape rouge, que vous évidemment. Tu n'es pas Superman. Ouais, alors, Superman n'était pas espagnol. Je croyais que vous alliez partir sur Zorro, à la rigueur. Mais bon, on a rarement vu Superman arriver en disant « Hola, ¿qué tal? Hola Lex Luthor !» Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est Caroline qui va vous poser des questions. À ces questions, vous apportez des bonnes réponses. On rappelle qu'il y a un séjour à Disneyland à gagner, certes, à la fin de cette demi-heure, mais il y a également d'autres cadeaux, tels que MacBook, iPhone, iPad, téléviseur 4K ou PlayStation Sony. Et ça, c'est caché dans les enveloppes de la Mère Noël. Pour pouvoir les ouvrir, il faudra 10 bonnes réponses d'affilée. Ok, c'est parti. Are you ready, comme on dit au Vietnam? Not really, but we go. Eh ben allez hop, c'est parti. Quel dessert déguste-t-on traditionnellement à l'épiphanie? Une galette des rois. Comment s'appelle la méchante dans les 101 dalmatiens? Cruella. Combien de dents a une fourchette à escargot? 2. Quel nom de ville française Madonna a-t-elle donné à sa fille aînée? Lourdes. De quel crustacé l'étrille est-elle une espèce? Le petit crabe. Avec qui Louane chante-t-elle le titre Midi sur Novembre? je passe. Selon la tradition, sous quel végétal doit-on s'embrasser aux 12 coups de minuit le 31 décembre? Sous le gui. À quel dessinateur de bande dessinée doit-on les rubriques à braque? Gottlieb. Quel code permet de débloquer une carte SIM? Code de puc. Quelle activité consiste à faire du vélo dans une piscine? Aquabiking. De quelle plante, appelée aussi dents de lion, peut-on manger les feuilles en salade? Pissenlit. Selon la chanson d'Amadou et Mariam, quel jour de la semaine se marie-t-on à Bamako? Le dimanche. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Et c'est galère parce que moi j'ai un pote qui était allé le samedi, ils ont rien voulu savoir. Il avait tout, il avait publié les bancs, il avait le costume et tout. Et elle dit, non, pas possible, ici c'est le dimanche, ils sont très très bloqués. Je voudrais prévenir l'équipe et tous nos auditeurs, et je sais qu'elles sont nombreuses, que vous allez avoir cette chanson désormais dans les oreilles pour un minimum de 24 heures et peut-être un maximum de 72, vous le chanterez encore le 31 décembre au réveillon. Et ben vous savez quoi, continuez à chanter, on va faire une petite pause Alexandra et on va revenir sur vos réponses juste après ça. Le grand quiz de Noël sur RTL. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'instant détente de Léna qui change. Avec un produit acheté égal un offert sur le linge de toilette de marque actuelle. Un produit acheté, un produit offert, Léna. Et si on se plaint encore que tu passes trop de temps dans la salle de bain, tu pourras toujours dire que c'est pour ranger des nouvelles serviettes. Jusqu'au 8 janvier, vos hypermarchés Auchan proposent un produit acheté égal un offert sur le linge de toilette actuelle. Et vos instants détente changent. Auchan. Offre valable pour l'achat de deux produits identiques, coloris au choix, qualité 500 grammes par mètre carré. Voir magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à conditions réservées aux nouvelles souscriptions. Prix client box engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. RTL. On a tellement de choses à se dire. Le grand quiz de Noël sur RTL, Bruno Guillon, vous Caroline Diamant. Bien, et Alexandra qui est avec nous et Caroline que vous entendez faire le décompte hein, des bonnes réponses. Elle est comme ça, elle fait de la comptabilité en direct. Alors une bonne réponse plus une, ok je retiens un, je retiens. Alexandra, ça s'est bien passé. Vous savez, tout à l'heure on parlait de Cap Rouge avec Superman. J'ai l'impression que vous êtes en passe de devenir la super girl de la matinée, Alexandra. On va pas se mentir, il y en a de la bonne réponse. Il va y avoir un peu de déception. Mm-hmm. Alors vous avez bloqué sur le chanteur qui interprète Midi sur Novembre avec Louane. Extrait. Je connaissais pas. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, la pire en temps désert, crois-moi. Il arrive. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges, j'irai revoir la mer sans toi. Quel est ce chanteur? Julien Doré. Doré. Ah, oui. Alexandra. Ah, ah, ah. Vous aimez Julien Doré ou pas? Alors, oui. C'est bizarrement, oui. D'accord. Pourquoi bizarrement? Moi, je l'adore. Tout le monde aime Julien Doré. Il est intelligent, il est talentueux, il chante bien. Mais vous? Eh bien, en fait, parce que d'extérieur, j'aime pas du tout le genre de garçon, mais j'adore ce qu'il fait. D'accord. Alors, Alexandra, je vous annonce que vous allez un peu moins l'aimer, puisque si vous aviez eu la réponse sur Julien Doré, ouais. Vous auriez eu en plus la possibilité d'ouvrir une des enveloppes de la Mère Noël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez 11 bonnes réponses, Alexandra. Ouais. C'est un excellent score. Mais Julien Doré, c'était la réponse à la 6e question sur laquelle vous chutâtes. Et donc, vous n'avez pas les 10 bonnes réponses d'affilée qui vous assurent cette lettre. Bon, en tout cas, c'est une grosse pression. On est sur de la grosse pression pour les candidats qui vont arriver voir avant 10h. Voire de la dépression, heures. Moi, je dis. Vous êtes quand même plutôt bien placé hein, sur le séjour à Disneyland Paris. Peut-être rendez-vous dans une vingtaine de minutes. En tout cas, Alexandra, là tout de suite, je vous offre une montre RTL. Ah, merci beaucoup, Bruno. Belle journée. Est-ce que je peux passer une petite dédicace rapidement? Vous êtes mais chez vous. Bien sûr. RTL est la première radio de France. Grâce à vous, elle vous appartient. Allez-y. Bah, juste deux choses. Une première chose, des énormes bisous à toutes mes collègues que j'adore du collège. Mmh. Et une deuxième dédicace à ma sœur et à sa famille qui habite aux États-Unis et qui nous manque bien pendant cette période de fête. Alors à travers les ondes, je fais à eux vraiment des énormes bisous. Et voilà. Ben, vous savez quoi, le message est passé. On vous embrasse. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Et bien écoutez, à bientôt. Et nous allons tout de suite enchaîner avec le deuxième candidat. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. C'est pas moi qui suis responsable de cet effet sonore, c'est monsieur Bruno Guillon. Et monsieur Bruno Guillon, je vous signale que quand vous dites aux auditeurs que nous leur appartenons, imaginez s'ils nous répondent, eh ben vous êtes viré. C'est vrai. Ils peuvent le faire. On prend un risque. J'espère qu'Olivier ne le fera pas en tout cas. Bonjour Olivier. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour, bienvenue sur RTL. Je me suis permis ce petit répondeur téléphonique puisque vous êtes fonctionnaire de police, Olivier. Voilà, c'est ça, oui. Vous êtes fonctionnaire de police à Rache. Enfin, non, j'habite à Rache. Voilà. Et je travaille dans un commissariat à proximité. D'accord, d'accord. Dans le nord de la France. Soyez le bienvenu en tout cas avec nous ce matin. Oui. Non, excusez-moi, Bruno me regarde bizarrement. Mais non, il n'y a pas de souci, c'est que je vous laissais avec Olivier. Voilà, ben je oui, me suis dit, Olivier, il arrive sur RTL, est-ce que vraiment il a envie de discuter avec Bruno Guillon? Non, il a envie. Oui, bien sûr. Il a envie de profiter de Caroline Diamant. Non, je pense pas. Il a envie d'avoir son moment. Il a envie que les lumières diminuent. Il a envie de s'approcher de Caroline. Non, enfin, laissez-le, ne lui. Bah, excusez-moi, je le pousse, sinon il n'y a personne qui va venir. Hein, je vais encore rester avec mon sac à main pendant les slows. Non, je vous adore, Caroline. Je vous écoute très, très souvent aux grosses têtes. Merci, vous êtes mignon. Alors, vous nous avez raconté une anecdote hors antenne qui nous a bien fait sourire. Est-ce que vous pouvez nous la dire? Oui, en effet, il y a quelques années, j'étais en service en région parisienne et j'ai contrôlé une dame qui avait un fort accent portugais. Et il y avait trois enfants qui n'étaient pas attachés et qui n'étaient pas dans un siège auto à l'arrière du véhicule. Alors je lui ai demandé d'attacher les enfants et de remédier au problème. Sauf qu'elle m'a dit non, de toute façon vous ne pouvez rien me faire. Alors j'étais très surpris et elle me dit ce ne sont pas mes enfants. D'accord. Genre limite vous pouvez les verbaliser, c'est pas les miens. Non, c'est surtout ils peuvent crever, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça prouve que voilà, Olivier, vous aviez eu déjà plutôt que de miser sur l'amende, le côté conseil. Et c'est vrai que souvent on stigmatise les fonctionnaires de police sur le côté rendement au niveau des PV, mais vous êtes souvent nombreux à donner un conseil avant de mettre une amende. Et c'était bien de le signaler. Olivier, un peu de musique. Vous êtes fan d'Eddie Mitchell, Monsieur Eddie. Allez, je vais faire mon Vincent Perrault, stop ou encore? Encore. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Stop ou encore? Encore. Mais où sont mes racines? Nashville ou Belleville? Jerry Lewis. Killer et pianiste. Schmoll. Un petit dernier, on en a un petit dernier ou pas? Allez, un petit. Elle semblait bien dans sa peau. Ses yeux couleur mentalo. Cherche du regard un spot. Le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr elle ne m'a pas vu. Perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Allez, vous savez quoi, Olivier? On fait une pause et je vous pose les questions juste après ça. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de Noël sur RTL. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue! 15 euros en bon d'achat sur tous les jeux vidéo! Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi! Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180 euros d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant est ouvert dimanche sur carrefour.fr. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, mais bon, j'ai pas que 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge, je crois, au Père Noël. Hein. Et en fait, c'était vrai. Et moi, j'ai pas cru le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix. Hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Faites les fêtes chez Géant. Jusqu'à dimanche, pendant les heures géantes de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur les saumons fumés et les foie gras. Oui, jusqu'à moins 50% sur les saumons fumés et les foie gras pendant les heures géantes. Joyeuses économies à tous chez Géant. Ouverture exceptionnelle ce dimanche toute la journée. Remise sous forme de bon d'achat. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Pour votre santé, bougez plus. T'as vu sur RMC Sport, il y a Liverpool-Arsenal. Ça, c'est du foot anglais, ça va être incroyable. Incroyable. Ah, je dirais même que c'est ouais, c'est incroyable. Voilà, Liverpool-Arsenal, un match unbelievable. Le Super Boxing Day continue demain à 18h30 en exclu sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9 euros par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition, 9 euros par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19 euros par mois en abonnement digital. Unbelievable, incroyable. Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pots Original Ariel est à seulement 12,29€ avec en plus 70% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne matinée avec RTL. Le grand quiz de Noël sur RTL. Olivier, c'est le moment où il faut y aller. Je vous pose les questions. Alors, 11 bonnes réponses, c'est ce qu'il vous faut si vous voulez être dans la course. Je suis désolé de vous rappeler le score d'Alexandra, mais force est de constater que pour le séjour à Disneyland Paris, c'est obligatoire. On y va ? C'est parti. Top chrono, quel accessoire désuet peut retenir un pantalon ? Bretelle. Quelle fête organise-t-on lorsqu'on emménage dans un nouvel appartement ? La crémaillère. Quel nom porte le cajot servant au transport des huîtres ? Une cagette. Une bourriche. Quel chanteur barbu préfère manger à la cantine dans les années 70 ? Carlos. À quelle zone de vacances scolaires appartiennent les élèves de Lille ? La zone A. Quel schtroumpf porte une fleur à son bonnet et un miroir à la main ? Coquet. Comment appelle-t-on familièrement un agent double ? Un espion. Au cours de quelle décennie l'action de la série Stranger Things se déroule-t-elle ? Je passe. De quel pays venez-vous si vous avez des origines helléniques ? Grèce. Dans quels petits apéritifs fromagers trouve-t-on des questions de culture générale ? Apéricube. Quel roi de la funk chantait Sex Machine ? James Brown. Comment sont surnommés les membres de l'Académie française ? Les immortels. Ah, dis non. Ah, bah non, mais regardez, je vous dis qu'elle dit non, la mère Foura. Vraiment, vous dites non ? Ben, venez le dire au micro qu'on vous entende un peu, mère Foura. Venez, votre bel organe. Non. Je peux vous dire que ça donne pas envie d'y retourner. Mais cela dit, nous avons quand même un festival de bonnes réponses. Olivier, oui. Nous revenons sur vos réponses, bonnes comme mauvaises, avec Caroline Diamond. Effectivement, vous êtes rattrapé. Le nom que porte le cajot, servant au transport des huîtres, est effectivement une bourriche. Oui, vous avez la bonne réponse. Le chanteur barbu qui préfère manger à la cantine, c'est notre copain. Non, je le connaissais pas, mais c'est Carlos. Ouais, mais typiquement, moi, je le connaissais pas non plus, c'est mais ça, je pense qu'on aurait été copains. Vraiment. Voilà. La zone de vacances scolaires à laquelle appartiennent les élèves de Lille, vous m'avez proposé le A et je vous réponds le B. Voilà. Olivier, ben en plus, vous êtes dans la zone. Bah oui. Mais ouais, mais vous avez raison, parce que moi non plus, j'ai beau être dans la zone, je me rappelle jamais si c'est A, B ou C. Le schtroumpf qui porte une fleur à son bonnet et un miroir à la main, c'est le schtroumpf coquet. Alors coquet, ouais. Bravo. Attention, le schtroumpf coquet par rapport à la coquetterie. Hein. Oui. Parce qu'il y a le schtroumpf coquet qui sort en boîte et lui, n'a pas le droit. Évidemment, bah, évidemment. C'est dans la nouvelle version des schtroumpfs. Comment appelle-t-on familièrement un agent double ? Alors vous me dites un espion. Alors c'est un espion, mais c'est surtout une taupe. La série Stranger Things se déroule dans les années 1980. Avec Eleven. Tout à fait. Ensuite, vous avez enchaîné des bonnes réponses. Et même si c'est une bonne réponse, le roi de la funk chantait Sex Machine. Et c'était effectivement James Brown. Et moi, j'anime cette émission avec Sex Machine. Il faut que je fasse la révision quand même des 30 000. Je ne vous cache pas que la machine est un petit peu enrayée là. Plus il fait froid, enfin bon bref. Oh bah moi je vous survends, essayez de rentrer dans le jeu, camarade. Bon, cher Olivier, c'est un très bon score. Mais... hélas, insuffisant. Mais en même temps, avec 11 points pour Alexandra, c'était compliqué. 8 bonnes réponses, cher Olivier. C'est une magnifique montre RTL que nous vous envoyons du côté de Rache. Et je vous souhaite, avec toute l'équipe d'RTL, d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. On vous embrasse fort et toute votre petite famille. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne fête. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Grand quiz de Noël et Virginie qui vient nous rejoindre depuis la chapelle Saint-Ursin. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour, bienvenue sur RTL. Merci. Ravi de vous accueillir. Chapelle Saint-Ursin, on est dans le département du Cher. Oui, à côté de Bourges. À côté de Bourges, bien. Ah oui, c'est bien là que je le voyais. Bah oui, c'est le printemps de Bourges, etc. Bah oui, bien sûr. Oui. Vous êtes esthéticienne, Virginie. Vous savez, mais j'essaye la géographie. J'essaye vraiment avec Caroline depuis 2-3 ans. C'est compliqué, mais je me suis juré de ne jamais laisser tomber. Donc je continue. Je continue. Bon, j'ai progressé, Bruno. Maintenant, je vais mettre Paris sur la carte. Toulouse, Lyon, Marseille. Donc et Brest. Là, avec le signe que vous venez de faire, vous avez passé Lyon à Strasbourg, hein, quand même. Mais tout va bien. D'accord. Virginie, un petit peu de musique. Patrick, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Alors, en plus, Virginie, c'est vrai qu'il est multipasse, Patrick. Il en est, vous savez quoi ? Il en est même énervant. Excellent acteur, excellent chanteur. La personne est adorable dans la vie. Oui. C'est un bonbon, vraiment. Ouais. Très bon joueur de poker, puisque vous jouez au poker, Caroline. Donc ça aussi, ça vous touche. Excellent joueur de poker. Il est intelligent, il est brillant, il s'engage dans des causes magnifiques. Voilà. Moi, je vote Patrick Bruel. Voilà, je le dis. Je vote Patrick Votons Bruel. Votons Patrick Bruel. Virginie, c'est le moment. C'est le moment où Caroline va vous poser des questions. Vous connaissez le topo. Alexandra, en début d'heure, enfin en début de demi-heure, nous a donné 11 bonnes réponses. Vous voulez être dans la course. Vous voulez être dans la course, il faut 11 bonnes réponses. Okay. Ou 12. Ou 12, ce serait parfait. Ah bah là, 12, ah bah oui. C'est la victoire. Oui. Mais voilà, je peux vous dire feu d'artifice, défilé de majorette, allocution du président de la République. Hop, vin d'honneur, la complète. La totale. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. C'est parti. Quel prénom féminin désigne aussi un bonnet de douche ? Une Charlotte. Quel réseau social permet de s'exprimer en 140 caractères ? Facebook. Sous quelle matricule connaît-on l'agent secret Hubert Bonisseur de la Batte ? Je passe. Quel instrument fixé sur la chaussure permet la marche à pied en montagne ? Je passe. De quel chanteur les Belly Birds sont-ils des fans inconditionnels ? Je sais pas. Sous quel autre nom connaît-on la morue fraîche ? Le cabillaud. Quel est le nom du bonhomme de neige dans le film d'animation La Reine des Neiges ? Olaf. Comment appelle-t-on une voiture dont le moteur est à la fois thermique et électrique ? Je sais pas. En musique, quel signe rehausse d'un demi-ton la note qu'il précède ? Dièse. Quel marché du Val-de-Marne est internationalement connu ? Oui, sur le gong, j'ai entendu Rungis. Vous avez dit Rungis et j'en profite pour saluer tous les maraîchers. Monsieur, je peux vous dire que Rungis, en période de fête de fin d'année, c'est une effervescence, c'est une ville dans la ville. Et il n'y a pas une minute où il se passe rien. Et là, voilà, pour pouvoir déguster, là, bon, vous l'avez fait il y a quelques jours pour le réveillon de Noël, mais là, pour les fêtes de fin d'année, tout ce qui est coquilles Saint-Jacques, le foie gras, eh bien, je peux vous dire qu'à Rungis, ça brasse. Bon, Virginie. On va revenir sur vos réponses, d'accord ? Et on va le faire juste après ça. Le grand quiz de Noël sur RTL. Monoprix, tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Le réveillon, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle pour une plaque de 8 tranches de saumon fumé bio Labéry 240 grammes achetée avec la carte. Le deuxième est offert jusqu'à ce soir seulement. Monoprix, conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. Lutter contre la pauvreté, c'est un combat. Lutter pour la dignité des personnes âgées et handicapées, c'est une mission. Lutter pour protéger les enfants, c'est un devoir. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est ça notre engagement. Mais c'est avec vos dons que l'Armée du Salut avance. Faites un don sur armeedusalut.fr, car certains combats méritent une armée. Intersport. Avant, Sophie repoussait toujours sa séance de sport. Moi, j'irai peut-être demain ou le mois prochain. Mais depuis qu'elle a profité des ventes privées sur les plus grandes marques de sport... Qui vient courir avec moi, là, maintenant, tout de suite? Jusqu'au 7 janvier, ce sont les ventes privées chez Intersport. Grâce à votre carte Intersport, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles. C'est jusqu'à 50% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions, dates et listes des magasins participants sur intersport.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Allô patron ? Va droit au but. C'est du brut. Pour l'achat d'une bouteille de champagne brut premier cru Nicolas Gueusquin AOC à 19,99€, la deuxième est à moitié prix. Moins de 10€ la deuxième bouteille de champagne ? Ah oui, et seulement ce dimanche 30 décembre. Hein. L'année finit mal. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. 19,99€ la bouteille vendue seule, 26,65€ le litre. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Écoutez bien. Vous n'entendez rien ? Non ? Toujours pas ? Et pourtant, ils sont là. En France, plus de 150 000 personnes vivent dans la rue et dans l'indifférence. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbépierre.org. Merci. Fondation Abbé Pierre. Être humain. Chérie, devine chez qui on passe le nouvel an ? Chez Paul ? Non. Oh non, pas chez Arthur. Non. Chez Netto, vite ! Une alerte discount ! Aujourd'hui, les huîtres fines de clair Marraine Oléron numéro 3 sont à 4,97€ le kilo. Netto, le discounter qui fait la différence. De douzaine minimum, 109,94€ la bourriche de 2 kg élevée en France. Magasin participant sur netto.fr. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Virginie, je vous rappelle qu'il faut 11 bonnes réponses pour être dans la course pour le séjour à Disney. Quel réseau social permet de s'exprimer ? Alors, vous avez dit en 140 caractères, on est à 290, oui, je crois, maintenant. Oui, c'est 280. Vous en mettez 10, c'est cadeau. Mais ne me mettez pas 10 de plus, on vous en demande pas tant. C'était Twitter. Sous quelle matricule connaît-on l'agent secret Hubert Bonisseur de la Batte ? Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin ? Vous avez fait taire le muezzin ? Le ? Muezzin, le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Ah, j'ignorais. C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. OSS 117. Ah, extraordinaire. Ouais, et toutes les répliques cultes. J'aime me beurrer la biscotte. Voilà. Ou alors J'aime me battre. Voilà. C'était donc Hubert Bonisseur de la Batte, interprété, vous l'avez reconnu, par Jean Dujardin. Quel instrument fixé sur la chaussure permet la marche à pied en montagne ? C'est la raquette. Ah oui. Les Billy Birds sont fans de ce Canadien. Justin Bieber. Je suis trop vieille pour Justin Bieber. Mais non, il n'y a pas d'âge pour Justin Bieber. Regardez, même la mère Foura, elle en ferait bien son 4 heures de... Oh non, c'est un bébé. Justin Bieber. Oh non. La morue fraîche, rien à voir avec vous, mère Foura, c'est l'enchaînement des questions. Ben c'est oui, mais le non, cabillaud. Mais voilà, mais ça se fait pas. Vous auriez dû prendre une respiration, faire une autre question avant, mais... Comment appelle-t-on une voiture dont le moteur est à la fois thermique et électrique ? C'est un moteur hybride, bien sûr. Eh oui, je l'avais sur le bout de la langue. Et oui. Mais vous vous doutez bien que la décence m'interdisait d'aller le chercher, Virginie, d'autant que vous êtes mariée. Alors, bon, enfin. À la finalité, c'est 5 bonnes réponses. Ce sera insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris, mais c'est avec plaisir que je vous offre, on vous offre avec Caroline une montre RTL. D'accord, Virginie ? Eh bien, c'est très gentil à vous. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Oui, merci, vous aussi. Et bon, on vous embrasse fort. Au revoir. Ça veut dire quoi ? Au revoir. Merci beaucoup. Ça veut dire que Alexandra. Bon, et Alexandra qui était quand même sur une garantie un peu. Est-ce que vraiment elle a eu un moment de stress ? J'en doute. Alexandra ? Oui ? Vous partez bravo à Disneyland Paris. Oh, yeah. Vous l'avez bien mérité, bravo, quelle victoire, merci magnifique. Merci Caroline, merci Bruno. Ah, vous oui allez passer 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète et vous allez profiter du festival Pirates et Princesses. Oh, c'est génial, je vous remercie beaucoup, mes enfants vont être ravis. Comment se prénomme-t-il ? À faire le jeu et franchement, ils ont eu raison. Comment s'appelle-t-il ? Alors Louise et Victor. Eh bien écoutez, j'embrasse Louise et Victor et à n'en pas douter, ils passeront un excellent moment en famille avec vous pour le festival Pirates et Princesses. Ben, merci beaucoup, continuez bien comme ça, je vous adore. Eh bien c'est très gentil, on va continuer jusqu'à 11h et après on prend nos quartiers d'été, hein, vous savez. Nous on a un job assez cool sur RTL, on est là une semaine à Noël et à peine deux mois l'été. Bon bah on se dit à cet été alors. Voilà, le reste du temps on laisse bosser Julien Courbet et puis après on revient. Allez, on vous embrasse Alexandra. Merci, au revoir. Au revoir. Il y a un deuxième séjour à vous offrir. Oui. Tout aussi beau que le premier. Oui, pour fêter Noël avec Disneyland de Paris, ça va être juste après les infos. Merci d'écouter RTL. Il est 10h. Les infos avec Olivia Leray. Bonjour Olivia. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Une femme et deux petites filles sont mortes dans l'incendie d'une tour d'un quartier de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Parmi les blessés, trois personnes sont encore hospitalisées ce matin. Le feu est parti vers 21h d'un appartement du premier étage. Aucun problème d'insalubrité dans cet immeuble, explique le maire UDI de la ville, Stéphane De Paoli. Il avait été rénové il y a peu de temps. La maire du 8e arrondissement de Paris s'inquiète ce matin sur RTL. Elle redoute des casseurs sur les Champs-Élysées la nuit du 31. Toutes les festivités sont maintenues et des gilets jaunes ont prévu d'y manifester pour le réveillon. Selon certains représentants, le gouvernement n'a pas donné de réponse suffisante. Un rassemblement est également prévu demain. Ce sera le 7e week-end de mobilisation consécutive. Alexandre Benalla, à nouveau dans le viseur de la justice. Le porte-parole des Républicains Gilles Platret demande sur RTL aujourd'hui à ce qu'elle soit saisie après cette nouvelle affaire dans l'affaire. L'ex-collaborateur de l'Élysée, limogé en juillet, n'a pas restitué son passeport diplomatique et il voyage toujours avec. Benalla disait pourtant devant la commission d'enquête du Sénat en septembre que ses passeports n'étaient pas un passe-droit. La présidence l'a sommé hier de s'expliquer sur d'éventuelles missions personnelles et privées qu'il aurait pu mener alors qu'il était au service d'Emmanuel Macron. À quand une vraie surveillance de la Manche? C'est la question posée par Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France réclame des patrouilles maritimes franco-britanniques ce matin dans le Figaro. Les tentatives de traversée sont de plus en plus nombreuses entre la France et l'Angleterre. Une embarcation avec 11 migrants à bord a encore été secourue hier au large de Calais. Plus de 300 migrants arrivent en Espagne aujourd'hui. Originaires du Mali, du Nigeria ou encore de la Somalie, ils ont été secourus il y a une semaine au large de la Libye. L'Italie et Malte ont refusé de les accueillir. Selon Madrid, Paris n'a pas non plus répondu à l'ONG espagnole. En une du journal, l'équipe ce matin, vous retrouvez Simone Biles et Marcel Hirscher, tous deux sacrés champions des champions du monde par le quotidien sportif. La gymnaste américaine n'a que 21 ans, mais elle a déjà 14 médailles d'or. Le skieur autrichien, lui, cumule les titres et les records, vainqueur notamment du classement de la Coupe du Monde pour la 7e fois consécutive. Les courses à Vincennes aujourd'hui, attention, là c'est non partant. Claude Piersanti vous conseille de jouer le 16, le 18, le 4, le 2, le 5, le 6, le 7 et le 10. La dernière minute de Claude, c'est le 2 Express de Liton. Le temps pour aujourd'hui comme hier, très gris et brumeux du sud-ouest au centre-est avec des brouillards et des nuages bas. De belles éclaircies à prévoir sur la moitié est et près de la Méditerranée avec un tout petit peu de mistral. Cet après-midi, vous serez encore et toujours sous la grisaille à l'ouest. Les températures, moins 1 à Sedan, 2 degrés à Dijon, 4 à Paris, 5 degrés à Strasbourg et à Nantes, 7 degrés à Rennes, 8 à Toulouse, 10 à Brest et 13 degrés à Nice. Bonne matinée sur RTL, il est 10h03 et dans un instant, c'est la suite du grand quiz de Noël avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. RTL, on a tellement de choses à se dire. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Tradition oblige, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de prendre de bonnes résolutions et je serais curieux de connaître les vôtres, tiens. Parce qu'il ne faut jamais laisser un proche qui a trop bu reprendre le volant. Moi, j'ai toujours une chambre d'amis ou un canapé-lit à disposition et s'il faut confisquer les clés de voiture, pas d'hésitation. Pourquoi ? Parce que la nuit, un accident mortel sur deux est causé par l'alcool. Alors ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. RTL. Votre Astro 2019. Christine Haas, Laetitia Nallet. Votre Astro 2019, les 12 signes du zodiaque et la possibilité en direct de nous parler de vos projets pour cette future année. Vous prévoyez de vous marier, de déménager, vous envisagez un changement de cap professionnel, peut-être de changer de partenaire, de trouver l'amour. Pour participer en direct le 1er janvier, inscrivez-vous sur astro2019@rtl.fr ou appelez le 3210. À la semaine prochaine. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga envie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15 euros en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180 euros d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Deuxième heure, Caroline Diamant. Mais moi, vous savez, je suis pressé, je vais vite en besogne. Deuxième heure du grand quiz, c'est mon problème. Deuxième heure du grand quiz de Noël pour cette semaine spéciale, voilà, que nous passons ensemble depuis lundi. Et quel plaisir d'avoir Caroline Diamant à mes côtés. Merci Bruno. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver, mais aussi toute notre équipe. Exactement. Voilà, notre mère Fourin, Jules, François même Touchard qui réalise cette émission. Et là, vous vous dites, il y a d'autres noms. Non, on est juste une équipe de 5. Ça reste une émission de fête. Vous savez ce que c'est. Attention, et Julien reviendra dès la semaine prochaine avec ses 853 collaborateurs. Mais nous, on est à 5. Et il faut savoir qu'à 11h, quand l'émission après se termine, la mère Foura fait un peu de ménage parce que il faut bien arrondir ses fins de mois. Jules bosse à la cantine. François Touchard fait de l'électricité. Moi, à titre personnel, un peu de plomberie. Faut dépanner. Et vous, Caroline, et vous êtes au test d'accueil. J'allais dire, je fonce à l'accueil. Et voilà. Et je dis RTL, bonjour. Exactement. Et d'ailleurs, RTL, bonjour. Bienvenue Tiffaine. Bonjour tout le monde. Bonjour Tiffaine, bienvenue sur la première radio de France. Merci. Tiffaine, vous savez ce qui vous attend quand on commence une heure du grand quiz de Noël. On doit marquer le... On doit faire quoi d'ailleurs? C'est bien de rentrer dans cette phrase que l'on appelle un tunnel en radio, où vous avez le début, vous n'avez pas la fin. Ah ben j'avais même pas le milieu pour être honnête. On doit se dire que le début, c'est bien de... On doit se dire que le score que vous allez établir maintenant, Tiffaine, sera celui à battre avant 11h du matin. On doit se dire que l'important c'est de participer et on doit se dire surtout, est-ce que je suis princesse ou est-ce que je suis pirate? Est-ce que je vais plonger au cœur d'un conte de fées aux côtés de légendaires princesses Disney ou lever les voiles pour un voyage intrépide en mer? En effet, nous vous invitons, Tiffaine, à choisir entre conte de fées enchantées ou aventures de pirates, épée ou couronne, boulet de canon ou robe de bal. C'est l'expérience féerique que propose Disneyland Paris et ce séjour que vous pouvez gagner, Tiffaine, est de 2 jours avec des entrées illimitées pour les 2 parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé dans une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Autant vous dire qu'il était long ce tunnel, Caroline. Ah là là, mais vous ne pouvez pas savoir comme vous m'avez soulagé. Mais je sais mais bien. En tout cas, moi, il y a un truc que je sais dire. C'est bienvenue, Tiffaine, sur RTL. Merci. Vous voyez quand même que je ne sers pas à rien. Tiffaine est fan de Patrick Fiori. J'ai une chanson de Patrick Fiori que j'adore. Est-ce que je peux la mettre maintenant? Je vous en prie, mettez-la. Écrite par Jean-Jacques Goldman. Aux femmes qui est magnifique. Vraiment, écoutez les paroles, c'est très très beau. Tiffaine. Oui. Quel âge a votre fils? 10 ans. Il a 10 ans, il est déjà passionné de politique? Oui. C'est pas banal ça quand même. Ben oui, mais en même temps, on a quand même un président de la République qui parle parfois comme un enfant. C'est de la poudre pour perlimpinpin. Voilà, donc du coup, c'est normal, il se dit pourquoi pas. Je préfère quand il est comme ça à la cool que quand il est énervé. Parce que c'est notre projet. Tiffaine, votre projet, c'est de donner un maximum de bonnes réponses. Je vous pose les questions, d'accord? Et je vous rappelle que si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pourrez ouvrir une des enveloppes de Maman Noël. Et à l'intérieur, il y a des MacBooks, des iPhones, des iPads, des téléviseurs 4K et des PlayStation Sony. D'accord? Ok, on verra bien. Top chrono, c'est parti. De quelle région la saucisse appelée Figatelli est-elle une spécialité? Italie. Dans quel film de 2003, Gad Elmaleh dit « adorerait les sushis » Je passe. Sous quelle mer passe le tunnel ferroviaire qui relie la France à la Grande-Bretagne? La Manche. Comment s'appelle la reine dans Blanche-Neige? Je passe. Dans quelle discipline s'illustrait Brian Joubert? Patinage. Quel passeport a fait suite en 2009 au passeport électronique? Biométrique. À qui doit-on le livre « Dans les forêts de Sibérie » Je passe. Quel petit foulard carré en coton imprimé a été popularisé par le chanteur Renaud? Un banana. En cuisine, quelle est la forme des légumes taillés en brunoise? Un petit carré. Quel nom désigne les trous des chaussures par lesquels on passe les lacets? Des œillets. Quel salon annuel est aussi appelé la plus grande ferme de France? Le salon de l'agriculture. Quel pictogramme symbolise la quantité et la qualité des gîtes de France? Un épi de blé. C'était un épi. Ouais, mais... Mais c'était bien après ben le oui. bon. Oh. Et la mère Foura ne vous acceptera pas, l'épi. Épi, c'est tout. Tiffen, combien de bonnes oui. réponses? On va le savoir je dans quelques pas. Secondes, juste après ça. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. À tout moment, écoutez ou réécoutez vos émissions préférées sur RTL.fr. Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais. La peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je voulais. Ce que je n'ai jamais dit. avant le paradis. Un nouveau titre de David Hallyday, extrait de son tout dernier album, un hommage à son papa disparu il y a maintenant un an. C'était Ma dernière lettre sur RTL. Bonjour, c'est Patrice Carmouze. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais cette année, elle est passée à une vitesse terrible. Alors, mon conseil, c'est de vous reposer, vous êtes tranquille chez vous, vous passez de très très bonnes fêtes, évidemment, sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, patron ? Oh là, je crains le pire. Bah désolé, mais vous allez voir rouge, patron. Hein. Parce qu'aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils font la barquette de 250 grammes de tomates cerises à 69 centimes. 69 centimes, la barquette de 250 grammes de tomates cerises ? Tu me mènes en bateau, là ? Ah non, en barquette de 250 grammes, patron. Eh ben on est très mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,76€ le kilo, catégorie 1, origine Maroc. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Conforama, le confort pour tous. Quand après les fêtes, le cadeau de vos rêves, c'est une bonne nuit de sommeil. On offre jusqu'à moins 50% sur une sélection de literies et jusqu'à moins 40% sur les couettes et oreillers. Pour s'offrir du repos, à prix confo. Conforama, jusqu'au 8 janvier, voir conditions en magasin et sur Conforama.fr. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Le réveillon, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. La crevette cuite sauvage calibre 30-40 origine océan indien est à seulement 1,60€ les 100 grammes jusqu'à dimanche. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. RTL. Le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. Tiffen est la première candidate de cette nouvelle heure. Tiffen, combien de bonnes réponses ? On va revenir sur vos différentes réponses avec Caroline. D'accord. De quelle région la saucisse appelée Figatelli est-elle une spécialité ? Vous m'avez proposé l'Italie. Elle est originaire de Corse, même si on en trouve en Italie. Vraiment ? Ah mais moi j'adore les polyphonies, donc moi oui. Je pourrais en passer des heures. Oui, mais j'ai l'impression que vous m'en avez déjà passé beaucoup cet été. C'est où ? Ça dépend où vous partez en vacances. Moi, j'adore aller en Corse, donc je mets mes petites polyphonies et puis c'est tout. C'est vrai, c'est pas bête. Voilà. C'est magnifique. Moi, je peux voir des concerts de 3-4 heures sans faire de pause. Tellement j'aime ça. Le film de 2003 dans lequel Gad Elmaleh disait « J'adore les sushis ».« J'adore les sushis ». Bah, c'était Chouchou. De la place Clichy. Ah oui. Mais ah oui. On parle d'ailleurs souvent de Gad Elmaleh, mais Alain Chabat est excellent également dans ce film. Oui, mais il adore pas les sushis. Non, il préfère les maquis. Bon, enfin bon, après, est-ce qu'on s'arrête à ce genre de détails ? Comment s'appelle la reine dans Blanche-Neige ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, j'ai beau avoir vu des tonnes et des tonnes, des centaines et des centaines de fois, je ne savais pas son nom. Elle s'appelle la reine Grimhild. Oh là là. C'est vrai que j'aime bien l'allemand. Je sais pas si on dit Grimhild ou Grimhilde. Je sais pas comment vous dites Gutenberg. Gutenberg. Spéciale dédicace à nos auditeurs de cet été. Exactement. Vous avez raison, Brian Joubert. Je vais reprendre. Non, d'ailleurs, pourquoi je m'en reprendrais ? Mais oui, pourquoi vous vous reprendrez ? Mais oui, mais c'est pas grave. Mais c'est, vous savez, on est là, la joie on est en direct, donc voilà, oui. Vous vous reprenez on fait pas. Des conneries, on assume. Alors d'abord, du coup, vous allez reprendre une deuxième fois. Alors je vais tripler. La discipline dans laquelle s'illustrait Brian Joubert. Vous avez dit le patinage, vous avez raison, c'est même le patinage artistique, même s'il a pris sa retraite en 2014. À qui doit-on le livre dans les forêts de Sibérie ? C'est à Sylvain Tesson. Le petit foulard en carré... Petit foulard carré en coton imprimé. Toujours vivant. Rassurez-vous. Alors moi j'aimerais qu'on me rassure sur Caroline Diamant surtout. Autant sur Renaud, ça y est, on sait que ça va, il bosse, il prépare un nouvel album et tout ça. Sur Caroline Diamant, je suis de plus en plus inquiet, on va pas se mentir. Ouais, moi je suis un peu inquiète aussi, excusez-moi. Et vous avez raison, c'est bien en carré que les légumes sont taillés pour la brunoise. Ce qui nous fait un total de... 7 bonnes réponses, Tiffen. Oh, c'est bien. Mais c'est bien. Oui, c'est très bien. Est-ce que ce sera suffisant pour le séjour à Disneyland ? On le saura juste avant 11h. J'espère. Là, c'est une montre RTL qui part du côté de Rébéné. Merci. On vous tout en prie, Tiffaine. À tout à l'heure, au revoir. On vous embrasse. Allez, vous jouez avec nous sur l'antenne de la première radio de France. C'est le grand quiz de Noël qui revient après ça. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Aujourd'hui, je dis vive RTL. Ça y recommence. Sécurité, préparez les piqûres. Inutile, Patrice. Je dis vive RTL parce qu'on reçoit Caroline Dublanche et Pascal Pro, deux nouveautés sur RTL. Puis deux gros succès. Enfin, vous les appelez déjà tous les jours. Donc ça promet, hein. Je pense qu'ils veulent voir ma tête. Rendez-vous à 11h dans La Bonne Heure. Oui, parce qu'à La Bonne Heure, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Auchan. Et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est la pause goûter d'Edouard qui change. Avec les mandarines d'Espagne à 1,19€ le kilo. 1,19€ ? Edouard, la mandarine a vécu toute sa vie dans l'ombre de la clémentine, alors qu'elle est bien meilleure. Rends-lui justice. Mange-en. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan, Adepa et Maille Auchan proposent le kilo de mandarine à 1,19€ et vos pauses goûter changent. Auchan. Catégorie 1, calibre 1-2, variété Clément Villa, origine Espagne. Magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr. Bah, la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000€ minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai, j'ai raté l'offre. Bon, bah, depuis, je crois à tout. Moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben, répétez-le pas. Hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000€ pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur Opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Cyril, tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest. Parce que c'est divin. Et foie gras, ça va avec Sud-Ouest. C'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie. Diamant, le grand quiz de Noël sur RTL. Et Anne, qui est avec nous depuis Césoria dans l'Ain. Bonjour Anne. Oui, bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL. Merci. Anne, vous avez deux enfants, quel âge ont-ils ? Alors, j'ai Rémi qui a 15 ans et j'ai Andrea qui a 12 ans. Ils vont être contents de gagner un séjour à Disneyland Paris si d'aventure vous répondez bien aux questions. Ils peuvent le gagner, mais ils vont être super contents. Bon, vous savez quoi, Anne ? Vous avez fait une petite erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes arrivé au standard en disant « Je suis fan des années 80-90 ». Et donc là, dans ces cas-là, je prends mon téléphone portable, ça y est, je le branche sur l'antenne d'RTL et je peux vous dire que vous en avez pour une bonne demi-heure. Alors, vous voulez quoi ? Du 90 français ou du 90 étranger ? Faisons du français. Français. Dans la vallée, oh, Mano, bien sûr. Et évidemment, 90 américains. Alors, Caroline me regarde. Ah oui, c'était... non, c'est pas des Australiens, ça. Les frères Hanson, peut-être qu'ils étaient Australiens d'ailleurs, j'ai dit américains. Ouais, les frères Hanson, ah, bah, voilà, ils étaient bleus et il y en avait un qui était batteur. C'est ça, et alors, ils étaient tous enfants à l'époque, à l'instar des Jackson 5, une autre époque. Et là, ils ont refait un concert l'année dernière. Bon, bah, forcément, avec la barbe et tout ça, ils ont perdu un peu de cet aspect juvénile, mais c'est toujours très très bien. Année 90, ouais, bah, en France, là. On retourne en France, allez. Ah oui, alors eux, ils ont complètement disparu de la figure de la... Oui, je vous confirme. Alliance Ethnique. Et eux, est-ce qu'on a des nouvelles d'eux ? Ça, c'est des Suédois. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu incroyable, elle est bonne quand même. Les années 90. C'est bizarre que les questions, ce ne soit pas que sur la musique des années 90. Alors ça, justement, ça compte pas dans le quiz. Un petit dernier, mais c'est revenu au goût du jour, puisqu'elles ont annoncé qu'elles remontaient sur scène à une oh, près. Oh oui. Non, non, non, non, parce que c'est des Britanniques et c'est les Spice Girls. Exactement. Yes, Girl Power. Spice Girls Forever. Oh, on les a déjà vus au JO de 2012 où elles avaient fait leur retour dans les petites minis. Eh oui, alors vous savez quoi, puisqu'on est sur les girls bands des années 90, moi, à titre personnel, j'avais une petite préférence pour ces quatre-là. Les All Saints. C'était mon petit passage, parce que ça évoque les vacances un petit peu. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Bon, c'est bon, il s'est fait son petit kiff. On peut reprendre le cours de l'émission. Et on reprend le cours de l'émission. On peut poser des questions à la dame. Anne est en très grande forme grâce à ça. Voilà, je sens que ça l'a bien détendue. Elle a complètement oublié. Oui, j'ai entendu Tiffaine qui a été quand même assez bonne. Voilà. Et ben, j'ai tout fait pour vous oublier les 7 bonnes réponses de Tiffaine et que vous puissiez scorer à votre tour et tenter d'avoir 8 si vous souhaitez gagner le séjour à Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prête, chère Anne ? C'est parti. Top chrono. Quel chanteur promet qu'on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller? Bontagné, Gilbert. Quel fromage fondu typique de la Franche-Comté se déguste chaud ou froid? Le Mont-d'Or. Quel animal glougloute? Le dindon. En football, comment surnomme-t-on les coins supérieurs des cages de but? La lucarne. Quel instrument de musique désigne aussi un grand fourneau de cuisine? Un piano. Vers quel pays Peter Pan conduit-il les enfants perdus? Le pays imaginaire. Quelle chaussure désigne aussi la danseuse qui les porte? La ballerine. Quel chevalier de fiction monte Rocinante? J'ai rien compris. Quel chevalier de fiction monte Rocinante? Pas. Dans quel département êtes-vous si vous skiez à la station des Rousses? En Isère. Quel acteur s'est fait connaître grâce à la série Soda? Kev Adams. Quel produit net? Vous savez quoi? Je vous l'aurais laissé poser la dernière et j'accepterai la réponse puisque vous avez redonné une question qu'elle n'avait pas entendue. Donc du coup, oui, mais moi je pense que je l'avais bien prononcé ma question. Bon. Alors, non, c'est juste moi qui n'avais rien compris. Mais oui, non, mais je réponds à Bruno qui me dispute et que je lui dis que non. J'ai essayé de vous aider, Anne, mais je peux vous dire que la mère Foura m'a fait un signe, genre ça va pas, jamais tu vas poser cette question, donc je la pose pas, très bien. Excusez-moi d'essayer d'avoir un peu cet esprit de Noël qui me caractérise. Oh. Essayez-moi. Et nous, on est quoi? Non, mais excusez-moi. On est des tueurs en série, je rêve. Exactement. Je trouve que vous ne véhiculez pas cet esprit de Noël que tout le monde devrait avoir. Je suis sûr que vous allez manger des rennes. Non, je vais manger le roi. Allez, on y va, Anne, avec vos différentes réponses. Oui! Sur une étoile ou sur un oreiller. C'était Gilbert Montagnier, à qui je souhaite un bon anniversaire, puisque sachez qu'aujourd'hui, 28 décembre, c'est l'anniversaire de Gilbert Montagnier, qui a d'ailleurs sorti un excellent livre. Gilbert, musique. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Ou dans un vieux grenier. Veux découvrir ton visage. Alors justement, j'aimerais qu'on fasse une pause sur le moment de cette chanson. On va s'aimer à se brûler la peau. Oui, bah à force de se frotter. Oui, bah c'est ça. Ça sent le plastique brûlé quand même. Au bout d'un moment, quand même. La cancoyote, c'est ce fromage fondu typique de la Franche-Comté. Et vous n'aviez pas donné la bonne réponse. Le dindon ou la dinde glougloute, c'est clair. Quel instrument de musique désigne aussi un grand fourneau de cuisine? Ça, c'est la musique du bœuf bourguignon. À ne pas confondre avec la musique de la blanquette de veau. On n'utilise pas le piano de la même façon. Neverland, c'est le pays imaginaire dans Peter Pan. Oui, c'est bon. Par contre, le chevalier de fiction qui monte Rocinante. Vous avez bloqué, c'est Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Oui, je le dis à l'espagnol, il rote pas, vraiment. Il n'a pas de problème gastrique, il n'a pas fait d'abus le soir du réveillon. Et les moulins, ouais, exactement. En Isère, non. Les Rousses, c'est dans le Jura. Et enfin, oui, Kev Adams est le héros de la série Soda. Anne, ma sœur Anne. Combien de bonnes réponses d'après vous? J'ai pas fait le compte, j'ai suivi toute la correction avec attention. Je sais pas. Il vous faut 7 bonnes réponses pour rester dans la course. Et c'est sur une musique des années 80 que je vais vous annoncer votre résultat. Non, je vais pas mettre ça, je vais vous mettre ça, tiens. Non, je vais pas mettre ça. Excusez-moi, c'est fait en direct. Je vais vous mettre ça.

Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Le réveillon, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle pour une plaque de 8 tranches de saumon fumé bio Laberry 240 grammes achetée avec la carte. Le deuxième est offert jusqu'à ce soir seulement. Monoprix. Conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le grand quiz de Noël. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL. Sur RTL. Grand quiz de Noël. Et pour l'instant, on est sur une série de 7. 7 points pour Tiffen, 7 points pour Anne. Y aura-t-il 7 points pour Thierry? On va le savoir tout de suite. Thierry nous accompagne et nous rejoint ce matin depuis Saint-Mitre-les-Remparts. Bonjour Thierry, bienvenue sur RTL. Bonjour à vous. Bonjour Thierry et bienvenue sur la première radio de France. Alors Thierry, vous avez entendu, il y a un ex-aequo pour le moment à 7. Mais ce qui mettrait tout le monde d'accord, c'est de mettre 8. Et comme vous êtes enseignant en mathématiques, vous vous y connaissez en chiffres, à peine besoin de vous le préciser. Prof de maths, mais sur des lycéens, des collégiens. Oui, moi je suis en lycée professionnel, donc lycée. Des bacs professionnels et des CAP. Alors vous savez qu'on n'est pas professeur de maths sur les gens, hein. Non, je suis d'accord avec vous. Que... En lycée professionnel. Je peux vous dire alors que alors sur des lycéens, j'ai eu un ou deux profs de maths sur le dos. Je ne citerai pas là, mais j'ai eu sur le dos pendant 2-3 ans en première S et en terminale scientifique. Je peux vous dire qu'ils m'ont pas lâché. Ah oui, là on subit, hein, c'est sûr. C'est ça. Mais après, je leur en veux pas parce que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que il y a pas une minute qui passe sans que j'ai pas besoin du théorème de Thalès, quoi. C'est vraiment ouais. Il y a quoi pendant le disque, j'étais en train de dire ce bon vieux Thalès, évidemment. Bien sûr. Et moi, chaque fois que je commande une glace, je calcule la surface du cône. Évidemment, hein. Évidemment. Sinon, je mets pas la boule. De toute façon, vous auriez eu un fils, vous l'auriez appelé Pythagore. Elles sont faciles, les boules sur les maths. Hein. En tout cas, vous êtes fan du film qui vient de sortir, Bohemian Rhapsody, sur la vie de notre chanteur préféré. Ouais, Freddie Mercury. Et il faut revenir sur la prestation de l'acteur qui joue le rôle de Freddie Mercury. J'arrive jamais à me souvenir de son nom, c'est Rami Malek. Rami Malek. Excellent, vraiment très bien. Ouais. Il paraît qu'il est époustouflant, je ne suis pas encore allé le voir. Mais la scène en fait au concert à Wembley a été faite image par image sur le concert original de Queen en 1985. Et il y a un comparatif qui a été fait, que vous pouvez trouver sur internet d'ailleurs, où on voit en speed screen, grand séparé, la prestation de Freddie Mercury original en 85 et celle de Rami Malek sur le tournage du film. Et je vous mets au défi de voir la différence. C'est un truc de dingue, le gars est génial et c'est une occasion de remettre Queen au goût du jour et rappeler ô combien ce groupe a été important dans l'histoire de la musique. Mais il y a un autre groupe qui est important aussi, c'est Muse. Et vous savez pourquoi? Ah oui. Parce que c'est un groupe que Thierry aime. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de Muse pour mettre Thierry dans de bonnes conditions pour attaquer ce questionnaire que vous allez lui poser? Voilà. Aussi, ça. Très bon. C'est vrai que c'est bien aussi. Ouais, alors moi, évidemment, je suis encore sur la playlist que j'avais prévue pour Anne tout à l'heure et les années 90. Évidemment, déjà derrière Muse et Queen, je vais pas pouvoir vous mettre... Ça va être dur. C'est compliqué et pourtant... Allez, on va enchaîner. Thierry, je vous pose les questions. Oui. Vous donnez les réponses, bonnes si possible. 7 bonnes réponses pour être dans la course. Vous donnez 8, vous prenez la tête. D'accord ? Impeccable. On y va, top chrono. En ski, comment désigne-t-on l'épreuve sinueuse qui consiste à tourner autour de portes ? Slalom. Quel est le nom de l'école des sorciers d'Harry Potter ? Poudlard. Quel jour de la semaine paraît le canard enchaîné ? Jeudi. Comment se prénomme Rambo, incarné par Sylvester Stallone au cinéma ? John. Quelle présentatrice est à la barre de Thalassa sur France 3 ? Passe. Quel ustensile de cuisine est parfois surnommé Général de Gaulle ? C'est le tire-bouchon. Quel ex-ministre vient de publier « Ce que je peux enfin dire » ? Je passe. Dans quel endroit sont parquées les voitures saisies par la police ? À la Fourrière. À quelle chanteuse doit-on les titres L'Indien et L'Amour en solitaire ? Passe. Dans quelle forêt vit Robin des Bois ? Sherwood. Comment appelle-t-on une vache qui n'a pas encore vélé? Je passe. Une génisse. Oh, oh là là, oui, eh oui. Alors maintenant, j'ai toujours peur de me mettre mes amis végétariens et vegan à dos, mais un petit foie de génisse poêlé. Là. Enfin bon, bref. Allez, on y va sur vos vérifications avec Caroline. Le canard enchaîné paraît le mercredi et pas le jeudi. Ah mince. Rambo, vous avez raison, on s'appelle John. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé par moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais si j'arrive pas à avoir un boulot, gardien de parking. C'est John Rambo? C'est pas Arthur Rambo? C'est les poèmes et tout ça, c'est pas lui? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté? Bah ouais, bah écoutez, si vraiment Arthur Rambo avait déclamé ses poèmes avec cette voix, je pense que ça l'aurait moins fait. La présentatrice qui est à la barre de Thalassa sur France 3, c'est Fanny Agostini. Ah oui, je savais pas. Ok. L'ex-ministre qui vient de publier ce que je peux enfin dire, c'est Ségolène Royal. Ce soir j'attends Ségolène, j'ai apporté toutes mes voix, j'en apporte toutes les semaines. Ségolène, elle aime bien ça. Ce soir j'attends. C'est chanson bi. Chanson plus bifurée. Il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas, vous me demandez. Oui, bah oui, il y avait de l'idée quand même. Oui, bien sûr. La chanteuse à laquelle on doit les titres L'Indien et L'Amour en solitaire, c'est l'excellent. C'est excellent, Juliette Armanet. Voilà. Cette émission, vous savez pourquoi elle dure une semaine? Si les gens, il y a des auditeurs d'RTL qui ont envoyé des messages cette semaine en disant mais pourquoi vous faites que la première semaine des fêtes de fin d'année? Vous avez eu la réponse. Là, regardez, on est vendredi. Oui. Il reste allez, une vingtaine de minutes d'émission. Voilà, voilà ce qui se passe. Juliette Armanet, musique. J'adore Juliette Armanet. Romain Desbois vit dans la forêt de Sherwood et donc la génisse, on l'a dit à la fin. Thierry, ça nous donne un total 5 de racines carrées de 36. Ah, ça fait 6, ça suffit. Exactement. Pour le prof de maths que vous êtes, je voulais rajouter une petite difficulté. Si bonne réponse, ce sera insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris. On va vous offrir une montre RTL, Thierry. C'est pas grave, c'est très gentil. On vous embrasse, on vous souhaite de merci belles beaucoup. Fêtes de fin d'année. Pareillement. Belles fêtes de fin d'année à vous. Tiens, finissons sur du Queen. On n'a pas fini, Bruno. Non, mais le petit passage avec Thierry. Ah d'accord, on finit Thierry sur du Queen. Candidat avant 11h du matin pour savoir qui va gagner le séjour à Disneyland Paris. Vous restez sur RTL. Le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le deuxième album de Louane est à l'honneur sur RTL. Il est l'album RTL de l'année 2018. RTL vous invite à passer une soirée exceptionnelle en compagnie de Louane. Merci aux gens de vous dire merci à vous, RTL et à Télévoisirs. Une soirée remplie d'émotions et de surprises avec des invités prestigieux. Voici Patrick Bruel. Concerts, interviews et remise de l'album RTL de l'année. C'est lundi soir avec Anthony Martin à partir de 20h15 sur RTL. Avec Télé-Loisirs. On a tous droit au meilleur des réveillons avec Carrefour Market. Michel, vous avez tout prévu pour votre dîner de réveillon? Mais cette année, je veux de l'originalité pour le dessert. Et pourquoi pas de bons litchis? Ah, mais quelle bonne idée! C'est frais, c'est sucré, juteux. Et surtout que jusqu'à demain chez Carrefour Market, les litchis sont à seulement 2,45€ le kilo. Ben c'est parfait. Et dans le genre original, on peut pas trouver mieux. Vous allez vous régaler, Michel. Je crois. Carrefour Market. Origine Madagascar. T'as vu sur RMC Sport, il y a Liverpool-Arsenal. Ça, c'est du foot anglais, ça va être incroyable. Incroyable. Ah, je dirais même que c'est ouais, c'est incroyable. Voilà. Liverpool-Arsenal, un match unbelievable. Le Super Boxing Day continue demain à 18h30 en exclu sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 7 janvier ou 19€ par mois en abonnement digital. Unbelievable. Incroyable. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Ah, qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Bon, un truc léger, parce qu'avec Noël, on a abusé quand même. Bah, une raclette? Ouais, une raclette, ouais, c'est bon ça, hein. Dès aujourd'hui, la raclette Label Rouge, origine France, est à 7,90€ le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Fromage au lait de vache à 28% de matière grasse sur produits finis. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL. On a tellement de choses à se dire. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Alexandra est la dernière candidate du grand quiz de Noël. Du jour, mais également de la semaine. Mais oui, et de l'année donc. Et ce sera donc la cerise sur le gâteau du grand quiz de Noël. Ah oui, ce sera la petite scie sur la bûche. Exactement. Bonjour Alexandra. Bonjour Bruno, bonjour Caroline, je suis vraiment ravie de vous avoir au téléphone, c'est vraiment inespéré pour moi. Et bien vous savez quoi, c'est un vrai plaisir de vous avoir, vous êtes donc la scie de la bûche. Oui, bon, ok, alors vous êtes dans le petit champignon en meringue. Je préfère être la cerise. Et le petit champignon en meringue? Oui, tout à fait, oui, c'est bien aussi. Le petit champignon ça marche, oui, voilà. Tout à fait. Bon, et non, bien, écoutez, vous n'aimez pas mes métaphores. Si, Bruno. Si, si, j'aime bien le qu'est-ce petit champignon. Qu'est-ce qu'il y a encore sur la bûche? Si, il y a les petits points rouges. Oui, bah, ça c'est le gui en fait, les petits points rouges. Ou alors c'est qu'elle est périmée, faites attention. Alexandra, vous savez quoi? Vous me faites plaisir. Parce que musicalement parlant, on va tous les deux être sur la même longueur d'onde. Je me souviens de cette guitare que j'avais eue à l'âge de 14-15 ans et j'essayais désespérément de faire un quin. Et ah je oui, le faisais fait, oui. Beaucoup moins bien que le groupe original Deep Purple. Fois en concert? Oh, une quarantaine de fois, oui, depuis 40 ans au moins. Oui, on les suit avec mon mari dès qu'on peut. Oui, on est vraiment des très grands fans. D'ailleurs, en parlant de guitare, moi j'ai eu un autographe de Richie Blackmore quand même. Hein, ah, donc, alors là, évidemment, ça calme. Je vous le confirme. Alors, moi, ça me calme très peu parce que je sais qui, Richie C'est le guitariste de Deep Purple. Ah oui, remarquez, il y a une logique dans le fait qu'elle ait une dédicace du guitariste du groupe qu'elle aime bien. Exactement. Vous savez quoi? Voilà. Et moi, Alexandra, ma favorite du groupe, je suis désolé, je me mets en avant, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celle-ci. C'est exactement le même son que j'aimais avec ma voix quand, en me levant tôt le matin, je coince mon petit orteil dans le pied du lit. Ah d'accord. Même quand je me coince l'orteil, j'arrive pas à faire un son aigu. C'est vous dire si c'est foutu en ce qui me concerne. Non, alors, mais c'est vraiment dommage à mon avis. Je trouve que sur les ondes, on n'a pas assez de musique comme ça. Bon, je sais bien qu'il en faut pour tout le monde, hein, mais je trouve que nous, les fans de rock de ces années-là, on est quand même un petit peu oubliés. Hein. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est pas grave. On a quand même. Non, je sais pas. On a quand même du rock sur RTL, je peux vous le dire, oui, cher Alexandra. Tout à fait, exactement. Oui, je ne dis pas le contraire. Et mais bon, ce n'est pas mon camarade Georges Lang qui dira le contraire, moi je peux vous dire que je suis très souvent tombé en voiture un samedi soir avec Georges Lang qui mettait du Deep Purple et ça fait toujours plaisir. Oui, bon, oui. Alexandra, là n'est pas le sujet. Le sujet, il est plutôt à Disneyland Paris. Si vous voulez gagner un séjour à Disneyland, il va falloir répondre aux questions que Caroline va vous poser. Mais attention, il va surtout falloir donner au moins 7 bonnes réponses. Si vous avez 8 bonnes réponses, c'est sûr, le séjour est pour vous. Et si en plus vous avez 10 bonnes réponses et que ces réponses sont données d'affilée, vous allez pouvoir ouvrir une des enveloppes de la Mère Noël. On ne les a pas ouvertes beaucoup cette semaine, les enveloppes. Donc autant vous dire qu'il y a encore du beau cadeau à l'intérieur. Il y a des très beaux cadeaux. MacBook, iPhone, iPad, téléviseur 4K ou PlayStation 4. Est-ce que vous êtes prête, chère Alexandra ? Je suis prête. Je vais essayer de faire mon possible. Là, je tremble comme une feuille, mais bon. Eh bien, allez, écoutez, concentrez-vous. Top chrono, c'est parti. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est à moi de poser les questions. Ah, je vous jure. Quand je vous dis, vous comprenez pourquoi cette émission ne dure qu'une semaine, c'est aussi pour ça. Voilà. Parce que c'est comme les enfants, c'est, l'attention ne dure pas plus qu'une semaine chez Caroline. En fait, vous voulez rajouter à mon stress, quoi. Voilà, c'est oh non, ça. Excusez-moi. Ça mais s'appelle non, mais un faux départ. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui. Hein, de ne pas partir quand il faut partir. Oh non, c'est pas la première fois, mais après, non, c'est votre vie privée. Attention. Oh là là, quelle bande. Oh, excusez-moi. Alors Alexandra. Là, Alexandra, je suis confuse. Allez, on y voit, cette fois c'est la bonne. Top chrono. Quelle célèbre souris de bande dessinée s'appelait au départ Mortimer? Passe. Quel est le terme français pour email? Courriel. Dans quelle ville êtes-vous si vous assistez à un concert au Carnegie Hall? À New York. Selon le générique d'un dessin animé, qui n'est pas de notre galaxie mais du fond de la nuit? Capitaine Flamme. Quel crustacé est indispensable pour faire une sauce nantua? Une sauce nantua, passe. Qui est l'interprète original de la chanson What a Wonderful World? Passe. Combien d'étoiles le guide Michelin peut-il délivrer au maximum? 3. Quelle série télé américaine met en scène Dewey et ses frères turbulents? Passe. Au Scrabble, quel symbole figure sur la case où le premier mot doit être placé? Une étoile. Dans Lucky Luke, qui est le plus petit des frères Dalton? Joey. Quel genre de film est récompensé au Festival de l'Alpe d'Huez? Fantastique. Oh non, mais c'est la comédie. Fantastique, c'est Gérard Armé de mémoire. Festival du film de l'Alpe d'Huez qui va se dérouler là d'ici 3 semaines, c'est du 15 au 20 janvier 2019 en partenariat avec RTL, c'est un festival de comédie. On peut enlever la musique, mère foire, on a compris que vous acceptez pas la fin, c'est bon. On va revenir sur vos réponses si vous le voulez bien Alexandra, d'accord? Oui. Et on va le faire juste après ça. RTL, le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. Michael Jackson, Rock With You sur RTL. Carrefour, on a tous droit au meilleur des réveillons. Chez Carrefour, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo. Non mais c'est dingue, 15 euros en bon d'achat sur tous les jeux vidéo. Résultat des courses, c'est qui le roi des économies? Ben c'est moi. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat sur tous les jeux vidéo avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Hors console et accessoires, offre limitée à 180 euros d'achat. Bon d'achat valable du 31 décembre au 6 janvier, hors carburant, drive et service. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Lutter contre la pauvreté, c'est un combat. Lutter pour la dignité des personnes âgées et handicapées, c'est une mission. Lutter pour protéger les enfants, c'est un devoir. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est ça notre engagement. Mais c'est avec vos dons que l'Armée du Salut avance. Faites un don sur armeedusalut.fr, car certains combats méritent une armée. Alors, pour le réveillon, on fait un brushing ou bien on les laisse naturels? Oh, moi je préfère quand c'est... L'alerte discount, je dois filer. Aujourd'hui, les litchis sont à 2,39€ le kilo chez Netto. 2,39€ le kilo. L'alerte discount, ça décoiffe. Netto, le discounter qui fait la différence. Origine Madagascar, magasin participant sur netto.fr. Le grand quiz de Noël sur RTL. Alexandra, on revient sur vos réponses si vous le voulez bien. Et vous savez quoi? On parle de Disneyland. La célèbre souris de bande dessinée qui s'appelait au départ Mortimer, c'est Mickey. Je ne sais pas si vous le saviez, enfin vous ne le saviez pas du coup, mais moi non plus. C'est la femme de Walt Disney qui trouvait le nom peu vendeur, Mortimer c'est pas super, elle lui suggéra Mickey. Elle lui suggéra. Non, parce que l'anglaise. Vous m'avez pas loupé. À chaque fois que j'ai fait une erreur, vous étiez là. Alors la suggestion et le suggery. Et donc ça a été Mickey qui fête ses 90 ans année. J'ai fait un faux départ comme Caroline. Mais ça arrive. Bon, le terme pour courriel, pour email, c'est bien courriel. Vous aviez une bonne réponse. Selon le générique, il n'est pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Et Capitaine Flamme. Est indispensable pour faire une sauce nantua, c'est l'écrevisse. Mais oui, je le sais en plus. Ça, c'est le stress. Ah, là, c'est terrible. Oui, c'est ça, oui. What a wonderful world. I see trees of green, red roses too. Il paraît que c'est ce que vous chantez chaque fois que vous me voyez. I think to myself. And I think to myself. Louis Armstrong. Quelle lignée quand même les Armstrong, entre celui qui chantait, celui qui gagne le Tour de France, celui qui a marché sur la Lune. Je peux vous dire que c'est une belle famille. Oui, je sais que ce n'est pas la même famille, c'était une vanne. Quelle série télé américaine met en scène Dewey et ses frères Turbulence et Malcolm? J'ai passé des jours entiers à regarder les fourmis et essayer de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. Mais tout ce que je voyais, c'était des insectes. Alors j'ai commencé à les punir. Je crois que ce n'est pas très... Je les ai punis avec le tuyau d'arrosage, avec l'essence à briquet, avec la tondeuse à gazon. Et pour être tout à fait honnête, j'ai perdu les pédales avec la grosse pelle. Il était craquant, oui, dans Malcolm. Bon, Alexandra, il nous faut cette bonne réponse. Il vous a fait du mal, oui. Vous en avez 6. Ah... Ce sera insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris. On vous offre une montre RTL. Je vous embrasse, Alexandra. On vous embrasse très c'est fort. C'est super gentil. Franchement, j'étais très contente de jouer avec vous. Bon, dommage, mais ça n'est que partie remise. Hein. Exactement. J'essaierai de rejouer. Bah là, du coup, elle est remise quand même à l'été prochain, si tout va bien. Oui, tout à fait. Je ne manquerai pas de vous rappeler. Eh bien, vous savez quoi, vous serez la bienvenue. C'était un plaisir de jouer avec vous. Au revoir, Alexandra. Au revoir, Bruno. Au revoir, Caroline. Tiffaine et Anne ont toutes les deux comptabilisé 7 bonnes réponses. Elles sont donc à égalité. Finir le grand quiz de Noël sur une égalité, ça m'a plu de suspense. J'adore l'idée. Vous allez moins aimer la question, je préfère vous prévenir. Tiffaine et Anne, hors antenne, nous vous avons posé cette question. Sachant qu'une Caroline Diamant mesure 1m70, Combien faut-il de Caroline pour atteindre la hauteur du sapin de Noël 2018 de la place Stanislas de Nancy ? Je veux dire qu'on est allé la chercher loin, cette question. Votre réponse, Tiffen ? C'était 10. Vous avez 17, dit, pardon, vous 17, avez dit 17, vous avez dit 17 oui. hors antenne et oui, je suis obligé de garder le 17. Oui, oui. Anne, hors antenne, vous nous avez donné la réponse de 15. Nous sommes d'accord. Oui. On a mesuré. Ah oui, on m'a même demandé d'aller m'allonger le long du sapin, c'était compliqué. Il faudrait 13 Caroline Diamant pour atteindre le sommet du sapin. Ça veut dire, chère Anne, que vous gagnez le séjour à Disneyland Paris. Bravo, félicitations. Avec des entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios, vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge, en pension complète, et vous profiterez du festival Pirates et Princesses. Merci infiniment, c'est super, mes enfants vont être ravis. Félicite. Eh bien, félicitations à vous, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous, on vous embrasse toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir, beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est fini. Eh oui. Une semaine, c'est un peu court. Bah oui. Quoique. Non. Autant l'été, au bout d'un moment que vous en ayez marre de moi, je peux comprendre. Vous savez quoi, Caroline ? Mais là, vraiment une semaine, vous n'avez pas eu le temps de toucher au plaisir. Et d'ailleurs, ben voilà. Et ça y est, ça s'arrête. C'est vrai. Vous étiez à ça du bonheur. Ça a été un vrai bonheur quotidien d'être avec vous pendant cette semaine. Chère Caroline, on va peut-être se retrouver l'été prochain. Ben oui, peut-être. Ce qu'on va faire là, en tout cas, c'est vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à l'écoute des RTL. Passez d'un bon réveillon, profitez de votre famille, des gens que vous aimez. Et je vous aime, Caroline. Voilà, je profite de l'antenne d'RTL pour vous le dire. Quand même, 3 ans et demi pour obtenir cet aveu. On vous aime tous. Dans quelques instants, Stéphane Bern dans À la bonne heure pour une spéciale RTL avec Caroline Dublanche et Pascal Praud. Passez de belles fêtes de fin d'année à l'écoute de la première radio de France.